بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 108 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh dans son charh Qurrat Uyun al-Muwahidin avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala de ce charh. Et on est toujours dans le chapitre Babun la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi li ghayrillah. La yuthbahu lillahi fi makanin yuthbahu fihi li ghayrillah. Donc ce chapitre, c'est le chapitre 11 dans le livre de Kitab al-Tawhid. On est en train d'expliquer la fin du dernier hadith, ou du hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Il ne nous reste pas beaucoup de choses à expliquer, Inch'Allah, puisqu'on a expliqué une grande partie du hadith en question. Donc, il nous reste encore quelques petits points à clarifier. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ici: قال المصنف رحمه الله وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. Donc on va traduire ce passage. Ici le cheikh il explique que l'auteur il dit rahimahullah, il y a dans cela yani quand il dit ici l'auteur il explique que yani l'auteur il dit que il y a dans ça le fait de demander au mufti, ou bien plutôt que le mufti lui-même demande des détails au sujet de la question qui a été posée de la part de celui qui pose la question. Donc lorsque quelqu'un demande la question à un cheikh, ou à un imam, ou à un mufti, ou à un alim, eh bien il est bien de la part de ce savant ou de ce alim de poser des questions pour détailler dans le sens que la question soit plus claire, ou bien pour demander des clarifications. Et la raison de ça, c'est justement pour que la réponse soit plus exacte et plus près de la vérité, et que le sujet soit plus clair. Donc le mufti, il doit, ou bien il peut demander des détails à la personne qui pose la question. Et il y a dans le hadith également l'interdiction d'exécuter un vœu qu'on a fait si c'est dans un lieu dans lequel il y a des célébrations de la jahiliya, ou un lieu dans lequel les mushrikines se réunissent, ou bien ils se réunissaient dans la jahiliya pour faire des actes de shirk. Même si cela n'existe plus, même si cela a été enrayé. Et le cheikh il explique, il y a un commentaire ici à propos de ce passage-là, dans la parole de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan il dit: Ma ahsana hadha. Al-mufti la yasta'jil bil fatwa hatta ya'rif maqsoud al-mustafti. ويعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح. Donc le cheikh il explique que le mufti c'est celui qui donne des fatwas. Et une fatwa, c'est quoi? Une fatwa, c'est un jugement ou un verdict religieux à propos d'une question qui touche à la religion. D'accord? Donc, c'est pas comme certains parmi les koufars aujourd'hui à notre époque qui pensent que une fatwa, c'est une mise à mort ou bien une condamnation à de mort ou des choses de ce genre. Et ça n'a rien à voir avec une fatwa. Une fatwa, c'est un verdict ou l'explication d'un verdict religieux à propos d'une question dans la religion. Donc, l'exemple ici qui a été posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de celui qui avait fait un vœu et qu'il devait, yani, s'il devait respecter ce vœu-là, il devait aller faire le sacrifice d'une chamelle dans un endroit spécifique qu'on appelle Bawana. Alors, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait exécuter ou s'il devait exécuter ce vœu qu'il avait fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé des détails à propos de cet endroit-là. Il lui a demandé premièrement, est-ce qu'il y a dans cet endroit-là, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là un Eid, hein, des mouchriquins? C'est-à-dire, est-ce que c'est un endroit, un lieu spécial dans lequel les mouchriquins se réunissaient dans la Jahiliya pour leurs adorations ou bien leurs célébrations de shirk? Hein? Donc ça, c'est un exemple. Comment le mufti, le cheikh Al-Fawzan, il dit, comme c'est bien, donc ça veut dire que le mufti, il ne doit pas se précipiter lorsqu'il donne un verdict religieux. Jusqu'à ce qu'il sache, yani, quel a été l'objectif du mufti, l'objectif du mustafti. Al-mustafti, c'est qui? C'est celui qui pose la question au mufti. Donc le mufti, c'est celui qui donne la fatwa, et al-mustafti, c'est celui qui demande la fatwa. C'est-à-dire qu'il demande au mufti la question et qui attend de recevoir la fatwa du mufti. Donc mustafti, celui qui demande, hein, une fatwa. Donc c'est bien de la part du mufti de demander des questions à celui qui pose les questions. Et il ne doit pas se précipiter à répondre. Et le cheikh, il dit, et il doit donc, avant de répondre, savoir quels ont été les incitatifs ou les raisons qui ont poussé la personne à poser ce genre de questions. Parce que parfois, une question. Yani, si on connaît la raison de la question ou la raison pour laquelle la personne pose la question, eh bien ça aide à répondre de façon plus exacte et plus correcte. Parce que ça arrive souvent que des personnes posent des questions à propos de quelque chose, mais que selon la raison pour laquelle la personne pose la question, eh bien ça peut avoir un impact sur la réponse. Pourquoi? Parce que parfois une personne, lorsqu'elle pose une question, elle a quelque chose en tête, hein? Elle a quelque chose qui la dérange ou qui la tracasse, ou elle a quelque chose qu'elle veut connaître ou qu'elle veut savoir, ou parfois quelque chose qu'elle veut affirmer ou quelque chose qu'elle veut infirmer ou nier. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose la question. Et c'est pour ça que parfois, la façon dont la personne pose la question, ça laisse entendre parfois certaines choses. Et on se pose la question en tant que mufti ou bien en tant que personne qui donne des réponses ou des verdicts religieux. Peut-être, mais cette personne, elle demande cette question-là, mais c'est quoi son intention, ou qu'est-ce qu'elle veut, ou pourquoi elle demande cette question-là? Parce que la question, parfois, il y a quelque chose d'étrange ou d'un peu bizarre dans la question. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la question. On dirait que la personne, elle n'a pas tout dit dans la question. Il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées qui pourraient aider à clarifier la réponse de manière plus claire et plus spécifique. Alors le mufti, il va demander des détails. Hein, il va demander des clarifications. Donc ça, c'est dans le but d'arriver à une réponse qui est plus claire. Et dans d'autres cas, parfois, c'est le contraire qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, le contraire? C'est-à-dire qu'il y a des fois, les gens, ils vont te raconter un roman. Ils vont te raconter leur vie au complet. Juste dans le but de te demander une question, finalement, qui aurait pu être résumée en deux, trois points ou en deux, trois phrases. Mais la personne, elle a écrit une page complète ou bien elle a expliqué une longue histoire de plein de détails qui n'ont pas vraiment un rapport direct avec le sujet et qui ne vont rien avoir comme impact sur la réponse. Et eux, ils pensent que c'est essentiel d'expliquer tous les détails alors que, en réalité, pour le alim, ces détails-là n'ont aucune importance, surtout parce que ils ne sont pas reliés directement au problème. Et donc ça, c'est le contraire, hein? Des gens qui veulent rajouter trop de détails pour, comme on dit des fois, on dirait presque que c'est des gens qui veulent noyer le poisson, comme on dit. Et ça, c'est une expression lorsque des gens, ils te rajoutent tellement de détails que à la fin on oublie même le point de ou le but de sa question, puis on s'éloigne du vrai sujet, hein, de sa question. Et peut-être que parfois c'est ce que certains questionneurs ont comme intention en faisant cela. Donc ça, c'est un point important, comme le cheikh il le mentionne. Ensuite, il dit, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, je dis, et l'interdiction également implique, yani, l'interdiction de prendre les reliques, hein, ou ce que les mushrikines ont laissé comme monument, comme lieu d'adoration. Et il dit, la raison de cela, c'est parce que yani, le cheikh il dit, parce que c'est un endroit dans lequel ou bien un endroit qui est un lieu que Allah a interdit à cause du shirk, hein, parce que c'est un lieu de shirk et un lieu de désobéissance. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, Al-Mahal التي كانت للشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها لأن ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها ما كان في الجاهلية بل يجب أن تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء وهذا في الآثار عموما آثار الصالحين آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأماكن التي سكن فيها أو جلس فيها لا يجوز جعلها محل عبادة وتجمعات لأن هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون إلى الحديبية إلى مكان الشجرة التي وقعت في تحتها بيعة الرضوان أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت ويعني قطعت حماية للتوحيد ولئلا يغلي أو يغلو يعني لئلا يغلى أي نعم يغلى في هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرائع، فدل على أنه لا يجوز تتبع الآثار ولو كانت آثارا للصالحين والأنبياء والأولياء، فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أشد. سبحان الله. Donc le cheikh il explique ici que les endroits qui étaient des lieux de shirk et de kofr, il n'est pas permis d'adorer Allah dans ces endroits-là, parce que cela amène les gens à vénérer ces lieux-là, et ça leur ramène le prestige que ces lieux-là avaient dans la jahiliya. Le cheikh il dit donc qu'il est obligatoire de détruire ces endroits, ces lieux, et de faire en sorte qu'ils soient oubliés. Et on ne doit pas donc faire rien ou quoi que ce soit dans ces lieux-là. Et il dit, ça c'est à propos de tous les différents lieux qui ont été laissés par les mouchriquines ou abandonnés par les mouchriquines. Tous les traces qui ont été laissées par les mouchriquines, et même les traces qui ont été laissées par les salihines, les reliques et les lieux dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, où il est allé, où il a habité. Donc par exemple, si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un lieu en particulier, ou qu'il y a un lieu dans lequel il a vécu, ou un lieu là où il s'est réuni, où il s'est assis, en particulier, c'est pas permis de faire des rassemblements dans cet endroit-là, ou de prendre cet endroit-là comme un lieu d'adoration. Il dit parce que cela, ça va faire partie de l'exagération et de l'extrémisme. Et Allah n'a fait descendre à ce sujet-là, il n'a révélé à ce sujet aucune autorité, aucune preuve. Et un exemple qui établit la preuve que on n'a pas le droit justement de prendre ces lieux-là comme des lieux d'adoration, et qu'on n'a pas le droit de vénérer ces endroits-là, on voit que les sahabes ont pris justement la précaution à ce sujet-là. Et lorsqu'il y avait par exemple un arbre, l'arbre de Bay'at al-Ridwan, c'est-à-dire l'allégeance que les sahabes avaient pris sous l'arbre, lors de Al-Hudaybiyah, ils s'étaient réunis pour donner la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jal il fait allusion justement à ça dans sourate al-Fath, et il dit innal ladhina yubay'unaka tahta ash-shajarati, donc Allah azza wa jal il fait allusion à ceux qui ont donné l'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été réuni avec les sahaba à cet endroit-là pour donner l'allégeance, et Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des gens commençaient à se réunir à cet endroit-là. Lorsqu'il y avait le hajj, lorsqu'il y avait le hajj chaque année, les gens prenaient l'habitude de se réunir à cet endroit-là où il y avait l'arbre. Alors, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, pour prévenir de cette bid'ah, et pour éviter que ça devienne une fitna pour les gens, et que les gens tombent dans la bid'ah et dans le shirk à cause de cet arbre, eh bien, il a ordonné que l'arbre soit coupé. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui se serait passé aujourd'hui, là, à notre époque, hein, qu'est-ce qu'ils auraient dit, hein, les gens, à propos de ce que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a fait? Hein? Les soufis et les chiites et les gens de bid'a, ils auraient dit: ah, ça c'est les wahhabis, hein, regardez les wahhabis, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'arbre, hein, ils détruisent les traces, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, que les sahaba ont laissé. Pourquoi ils détruisent ça? Pourquoi ils détruisent les lieux de l'histoire islamique, et ainsi de suite, hein? L'héritage, hein, comme ils disent, ça c'est notre patrimoine, c'est l'héritage islamique, il faut pas le détruire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les arguments des gens qui ne donnent pas de respect à la législation divine et à la révélation d'Allah, hein? Ils passent leurs sentiments, leurs émotions et leur passion au-dessus du Coran et de la Sunna et au-dessus de la compréhension des salafs. Et c'est ça qui fait le malheur de la Ummah. Hein? Peu importe quel argument ces gens-là peuvent ramener d'émotions et de sentiments, hein? De sentimentalisme vis-à-vis de ces reliques et de ces lieux, soi-disant, comme ils appellent eux, les héritages et le patrimoine. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et si on craint que ces lieux-là deviennent des lieux de fitna et que les gens commencent à tomber dans le shirk et dans la bid'a à cause de ces lieux-là, eh bien, pour fermer la porte à l'égarement, il faut les couper ou les détruire. Et c'est ça qui est arrivé avec ce que les ulama ont ordonné en Arabie Saoudite, de détruire plusieurs des mausolées et détruire beaucoup de lieux que les gens visitaient, hein? Que ce soit la caverne de Hira, hein? À Mecca, ou bien que ce soit également, yani, subhanallah, il y a des endroits, même les gens ils allaient pour faire des prières ou des salawat ou des nawafil dans certains lieux, dans la mosquée. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans certains lieux à l'extérieur de la mosquée, et ils se réunissaient dans certains endroits et ils faisaient la queue pour prier dans ces endroits-là. Donc, et on se demandait, et moi quand j'ai vu ça, je me demandais pourquoi les gens faisaient la queue pour faire leur salade dans ces endroits-là, alors que c'était pas une mosquée, hein? C'est un bureau administratif, yani, subhanallah. Et les gens faisaient la queue pour attendre les uns après les autres pour pouvoir faire rak'atayn à cet endroit-là. J'ai posé la question à ces gens, j'ai dit, mais pourquoi vous faites la queue pour prier ici? C'est pas une mosquée. Hein? Ils ont dit, non, c'est l'endroit, à cet endroit-là, il y avait la maison où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Donc nous, c'est pour ça que nous, on fait la queue pour prier à cet endroit-là. Il dit, subhanallah, yani, c'est grave. Comment les gens, ils vont loin dans la bid'a, hein? Donc ça, c'est des exemples pourquoi yani, les ulama, ils ont ordonné qu'on détruise ces endroits-là. Et je regardais des reportages dernièrement sur les pyramides d'Égypte qui ont été construites à l'époque des pharaons et tout ça. Et je voyais comment les kuffar, yani, subhanallah, ils donnaient de l'importance à ces pyramides. Et ils ont élaboré plein de théories à propos de ces pyramides. Et pour quelles raisons ces pyramides avaient été construites. Et commençaient à expliquer, parce qu'ils disent qu'ils ne savaient pas comment ces pyramides-là avaient été construites. Et que les ingénieurs aujourd'hui ne seraient pas capables de le faire. Et que certains même, ils allaient même jusqu'à dire que c'était une pompe à uranium ou je sais pas quoi. En tout cas, toutes sortes de théories farfelues. N'empêche que, yani, subhanallah, ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de rentrer à l'intérieur de ces pyramides, essayer de trouver des portes. Ensuite, ils ont essayé de creuser, de faire toutes sortes d'excavations. Et ils font à la kulli hal, tous ces endroits-là sont des endroits maudits, en réalité. Parce que c'est des endroits dans lesquels des peuples de mushrikines et de kuffars ont établi des cultes pour des idoles et ont fait du shirk. Et après, yani, subhanallah, ils ont été détruits par Allah. Ils ont été châtiés par Allah. Donc, c'est des lieux de châtiment, c'est des lieux de malédiction. Donc, il n'est pas approprié pour les musulmans de donner de l'importance à ces lieux-là. Mais le problème, souvent, c'est que les kuffars, eux, parce qu'ils donnent de l'importance à ces endroits-là, certains faibles d'esprit parmi les musulmans se mettent à vouloir les imiter. Et puisqu'ils voient qu'il y a de l'argent là-dedans, parce que les kuffars investissent dans la recherche, eh bien, eux aussi, ils commencent maintenant à vouloir faire ça, à étudier ça, commencer à ouvrir les cercueils, les sarcophages, et puis déranger les morts, hein, étudier leurs ossements, étudier leurs cadavres ou les restants de leurs cadavres. Allahul Musta'an, ils sont morts, laissez-les. Pourquoi vous allez les déranger comme ça, hein? Donc tout ça pour dire, yani, comment les gens, quand ils s'éloignent de la guidance d'Allah, comment ils vont à faire des choses graves. Je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un serait satisfait de savoir que on va déterrer les ossements de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de leurs proches pour les étudier comme ça. Personne n'accepterait ça. Et là, parce que c'est des ossements de Pharaon, par exemple, ils se donnent le droit parce qu'ils disent c'est pour l'histoire, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour la science. Allah al-Musta'an, yani, quand même, on voit que l'être humain, il est vraiment ignorant et injuste. Illa man rahim Allah. En tout cas, donc le cheikh, il explique ensuite donc que Omar ibn al-Khattab, il a détruit, donc il a coupé cet arbre pour fermer la porte à la bid'a et au shirk. Et donc, c'est la preuve que ce n'est pas permis dans l'islam de suivre ce genre de traces historiques, soi-disant, ou de reliques, ou de tous ces genres de choses que les salihins ont laissées derrière eux, ou que les prophètes, ou que les messagers, ou que les hommes pieux ont laissées. Même, donc, si c'est le cas pour les choses que les prophètes ont laissées, on ne doit pas les suivre. Que dire de ce que les mouchriquines ont laissé? C'est encore plus grave dans ce cas-là. Et le cheikh, il explique ensuite et il dit, et le hadith, même si il parle du nadr, hein, c'est-à-dire le fait de faire un vœu pieux pour Allah, si ça concerne un nadr, il faut savoir que ça ne s'arrête pas uniquement à cette adoration-là en particulier. Plutôt, l'interdiction de faire des adorations dans ce lieu-là, ça comprend toutes les formes d'adoration, non seulement un nadr. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « Hatta ghayr al-nadr, fa-salat fil-makan, wal-julus fi, wa dhikrullahi fi, wa tilawatu al-Qur'an fi, كل العبادات لا تجوز في الأمكنة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله فلا يعبد الله إلا بشيء مشروع لا يكون في هذا المكان لأن هذا وسيلة إلى الشرك. Donc le cheikh, il dit que c'est pas seulement donc un nadr qu'on ne doit pas faire comme adoration dans les lieux de shirk, les lieux des mushrikines, mais également toutes les adorations comme la salat, hein, et le fait de se tenir dans ces endroits-là pour faire le dhikr d'Allah, ou pour réciter le Coran, ou n'importe quel autre parmi les adorations, il n'est pas permis de le faire dans des endroits qui ont été des temples pour les mushrikines ou des choses comme ça. Il dit, même si le musulman, dans ces lieux-là, quand il va faire ses adorations, il ne va les faire que pour Allah, mais même si c'est pour Allah seul, il n'a pas le droit de les adorer, il n'a pas le droit d'adorer Allah, excepté parce que Allah a légiféré. Et donc, ça ne peut pas être dans ce genre d'endroit, parce que ça, c'est un moyen vers le shirk. D'accord? Donc, tu peux faire tes adorations ailleurs, partout sur la terre, mais pas dans les lieux de shirk et les lieux des adorations des mushrikines. Parce que ça, c'est des lieux, comme on a dit, maudits, et des lieux interdits. Hein? Après, le cheikh, il dit, et il n'y a pas de différence, donc, entre une adoration ou une autre. Et donc, on ne doit pas faire des adorations dans des endroits qui sont mauvaises ou qui sont sales comme ceux-là. De prendre des endroits dans lesquels Allah a mis sa colère. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, ولهذا لما هدمت اللات والعزة ومنات لم يعتني بمكانها لم يعتني بمكانها نسيت كأنها غير موجودة عند المسلمين لأن هذا يبعثها من جديد فلا يقال هذه آثار للتاريخ كما يقولون وهذا يؤول بها من في المستقبل إلى أن تعبد من دون الله لأن الشيطان يزينها لهم بأنها آثار تاريخية من أجل أن يحيوها فإذا أحيوها بنوها للناس آل الأمر إلى عبادتها كما حصل في قوم نوح قال لهم أنصبوا من أجل تذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر فقال لهم إن أباكم ما نصبوها إلا للعبادة فعبدوها من دون الله فآل بهم الأمر إلى الشرك والعياذ بالله فلا تجوز الغلو في الصالحين أو في صورهم أو أجسامهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit lorsque les idoles des mushrikines ont été détruites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Lat, Al-Uzza, ainsi que Manat, et d'autres idoles aussi, elles ont été détruites par les musulmans et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit, ensuite on s'est plus préoccupé de l'endroit ou du lieu de ces idoles-là, hein, où elles étaient. Donc c'est comme si elles n'avaient jamais existé pour les musulmans. Et le cheikh il explique que, yani, si les gens commencent à chercher, à savoir où est-ce qu'elles étaient ces idoles, c'était où leur emplacement et des choses de ce genre, eh bien, ça risque de ramener ces idoles. Hein? Les gens risquent de les faire revenir. Et donc, on ne doit pas dire comme certains disent aujourd'hui. Salam alaikum. On ne doit pas dire comme certains disent aujourd'hui. Ça, c'est des traces qui ont été laissées. Des endroits historiques. C'est pour préserver l'histoire. Hein, il faut garder les idoles, il faut garder les statues. Ben c'est ce que les koufars ils font aujourd'hui. On les voit par exemple partout dans les pays, différents pays, musulmans et non musulmans. Ils s'en vont chercher les reliques et les restants des différentes soi-disant civilisations des koufars et des mushrikines, les statues qu'ils ont fabriquées, wa alaykoum salam, les statues qu'ils ont construites, les images et toutes les choses qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, ils s'en vont déterrer ça dans le sable ou dans la terre, hein. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils les rénovent. Ils font même rénover ces statues qui ont été détruites, hein, abandonnées par les gens. Donc eux, ils les cherchent, hein, ils les cherchent, ils les déterrent. Une fois qu'ils les ont trouvées, ils les exposent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils les exposent dans des musées, des expositions internationales. Après ça, ils ramènent ça dans les différents pays. Et puis après, ils disent, ça c'est votre patrimoine historique. Et dernièrement, j'écoutais justement qu'est-ce que certains disaient, par exemple, de certains masques que la France avait pris en Afrique, je ne sais pas quoi. Pourquoi ils ne vont pas ramener les masques en Afrique? Parce que ça, c'est notre culture, c'est notre histoire, ou je ne sais pas quoi. Yani, subhanallah. Est-ce que les musulmans ont besoin de ces masques? Hein? On n'a pas besoin de ces masques. Ils peuvent les garder s'ils veulent. Même ils peuvent le mettre dans leur visage pour se cacher la face s'ils ont honte. Parce que dans ces masques-là, il n'y a rien pour nous les musulmans. Hein? Ça, c'est des restants de la jahiliya. Mais les musulmans, ils ne doivent pas s'attacher à la jahiliya. Ils ne s'attachent pas à ce qui était fait dans le pré-islam ou à l'époque pré-islamique ou dans les périodes d'ignorance. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti ça, de ces choses-là. Il a averti même que des gens, à la fin des temps, vont revenir au shirk et à l'idolâtrie à cause de ces choses-là. Donc, yani, c'est une mauvaise chose. Et même si, des fois, tu vois dans certains, par exemple, l'UNESCO, ils disent, ça c'est un patrimoine de l'humanité, ça c'est je sais pas quelle merveille du monde, ou ça c'est un patrimoine de l'humanité, c'est protégé par l'ONU. Si c'est des endroits de shirk et des idoles et des affaires de coffre, on n'a pas, nous les musulmans, à donner d'importance à ces endroits-là ou à ces choses-là et à les garder, à les préserver, à dépenser de l'argent pour ça. Hein? Parce que les kuffars, eux, ils déclarent que ça c'est un patrimoine. Peut-être pour eux, ils pensent que c'est un patrimoine, mais en réalité, c'est qu'est-ce qui amène l'humanité à la destruction et à l'enfer. Donc, on n'a pas à donner d'importance à ces choses-là, yani. Allah al-Musta'an. Et donc, c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit, le fait de déterrer ces choses-là, ça amène à ce que les gens tombent dans l'idolâtrie par la suite. Hein? Le shaitan, il vient embellir ça pour les gens et leur fait voir ces trucs historiques-là qu'ils retrouvent là. Comme on dit, ces héritages ou ces vestiges historiques qu'ils trouvent dans différents endroits. Et là, ils les font rénover et puis ils les exposent comme ça. Il dit, le shaitan embellit ces choses-là pour les gens. Il dit, ah, ça c'était notre histoire avant l'islam. On avait une grande civilisation, on faisait des belles statues, on faisait beaucoup de shirk. Hein? Donc, ils voient, eux, ils essaient de montrer ça sur le plan de l'architecture l'art, comme ils disent, comment les gens faisaient des statues, comment ils faisaient ci, comment ils faisaient ça. Donc, ils essaient de vénérer ça ou d'agrandir ça et d'embellir ça. Donc, ils font revivre ça. Et, yani, le cheikh il dit, ça peut amener les gens à la fin à tomber dans l'adoration de ces choses-là. À commencer à les vénérer, à les adorer en dehors d'Allah. Et à faire du shirk. Et il dit, c'est exactement comme ça que le shirk a débuté à l'époque de Nuh, alayhi salam. Lorsque les gens ont commencé le shirk au début, il n'y avait pas de shirk. Hein, à l'époque, depuis Adam jusqu'à yani l'époque de Nouh, il n'y a jamais eu de shirk dans l'humanité. Toute l'humanité a été sur la religion de Adam, qui est la religion du tawhid. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Nouh? C'est qu'il y a eu certains hommes qui ont été des hommes de bons exemples et des hommes pieux. Et quand ils sont morts, le shaitan est venu inspirer aux gens de prendre de faire leur statue, de faire leur image, et de les mettre sur la place centrale dans la ville pour dire, regardez, ça c'était des bons hommes, on fait ces statues-là pour se rappeler d'eux et pour essayer de les imiter. Donc ça c'était l'intention au début. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Les gens ont oublié et les savants sont morts. Alors il n'est resté que les ignorants et le shaitan est venu leur faire voir que, ou leur faire croire que finalement ces statues-là, c'était pour que les gens les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah et qu'ils les prennent comme des intercesseurs, hein, pour se rapprocher d'Allah. Finalement, les gens ont commencé à les adorer. C'est comme ça que l'idolâtrie, le shirk, s'est introduit dans l'humanité pour la première fois. Et c'est comme ça que le shirk peut revenir également. Certaines personnes, parfois, ils disent, on est arrivé à une époque où les hommes sont devenus évolués. Avant, les gens étaient primitifs, comme ils disent. Et donc, ils faisaient de l'idolâtrie. Maintenant, l'homme a découvert la science. Il est devenu civilisé, évolué. Donc, il n'est plus attiré par l'idolâtrie. Et pourtant, encore aujourd'hui, une grande portion de l'humanité fait du shirk, hein, et continue à adorer des idoles, malgré la soi-disant science dont il parle. Donc, ce n'est pas vrai, ça, que l'homme primitif faisait le shirk parce qu'il était primitif et que maintenant il est plus primitif, donc il ne fait plus de shirk. Il y a encore plein d'êtres humains sur la Terre qui font du shirk. Et si vous ne croyez pas, allez voir en Inde et allez voir dans les temples hindous ici à Montréal. Hein, et puis vous allez voir qu'il y a encore de l'idolâtrie. Allez voir dans les églises catholiques des gens qui se mettent à genoux devant les statues de Marie, hein, et les statues de Jésus et qui font leur prière devant ces statues-là. Et qui. Yani, pris avec leur chapelet et qui croient en la protection de la croix, puis des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Hein? Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Donc, ceux qui pensent que le shirk, c'est fini et qu'on est devenu civilisé parce qu'on a la science, eh bien, ils se trompent complètement. Et donc, il faut faire attention et il ne faut pas s'imaginer qu'on est à l'abri du shirk. Et à l'abri de l'idolâtrie. C'est pas vrai. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va, et il y a même un chapitre à ce sujet-là plus loin, qui indique que à une certaine époque, les musulmans vont oublier, hein, des règles de l'islam. Et si c'est pas, même si c'est pas toute la Ummah, mais il y a une partie des musulmans qui vont oublier des enseignements de l'islam et qui vont revenir à l'idolâtrie. Hein? Et c'est déjà arrivé. C'est déjà le cas dans certains endroits où des musulmans adorent les tombes et ils prient à des saints et à des morts et ils se disent musulmans. Donc ça, c'est de l'idolâtrie. Et souvent, parfois, les musulmans, certains musulmans, ils se laissent tromper par le shaitan en disant, nous, on n'adore pas des idoles, donc ce qu'on fait, c'est pas du shirk. Parce que les mouchriquins, eux, adoraient des statues. Et nous, ce qu'on adore, c'est des tombes et des hommes pieux et des saints. Donc ça c'est pas la même chose, donc c'est pas du shirk. Or le shirk c'est pas d'adorer seulement une idole, mais c'est d'adorer n'importe quoi en dehors d'Allah et d'offrir à quelque chose ou à quelqu'un en dehors d'Allah une forme quelconque d'adoration. Donc c'est ça le shirk. Ça se limite pas uniquement à prier ou à adorer une statue ou une idole, d'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. Après le shirk il dit. Donc, comme le shirk a débuté à l'époque de Nouh, alayhi salam, lorsque les gens ont oublié, eh bien, le shaitan les a trompés en leur disant, Vos ancêtres, ils ont créé ces statues-là pour les adorer. Regardez aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, avant que vous ayez certains d'entre vous, vous n'étiez pas là, j'expliquais comment des gens parlent des pyramides aujourd'hui, les pyramides en Égypte. Et peut-être que je n'avais jamais réalisé à quel point certaines personnes sont en train d'essayer de découvrir plein de mystères à propos de ces endroits-là. Mais ils sont en train de dire pourquoi ils avaient construit ça et finalement, est-ce que c'était juste des tombes? Et puis finalement, est-ce qu'il n'y avait pas des secrets, des mystères derrière ça? Donc, c'est pour dire comment les gens, lorsque la science est oubliée, lorsque le temps passe, des générations arrivent plus tard et puis ils trouvent ces choses-là et ils se disent, mais c'était quoi ces choses-là? Et puis ils commencent à les adorer. Hein? Ils commencent à les adorer. Donc, c'est ça le danger, Annie. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Aujourd'hui, toute la connaissance, les gens, ils mettent ça tous dans le numérique, puis tout est enregistré sur Internet. Mais on ne sait pas si un jour tout ça va pas sauter, puis que finalement les gens vont revenir à l'âge de pierre, hein, et puis ils vont plus savoir rien de qu'est-ce qui existe, parce qu'ils vont plus savoir, ils vont plus avoir la référence des livres, ou bien ils vont plus avoir des savants avec eux. Et puis là, ils vont trouver des restes de construction, ils vont pas savoir qu'est-ce que c'était. Peut-être des gens vont commencer à inventer des formes d'adoration pour faire du shirk avec ces choses-là aussi. C'est ça le danger de garder ces choses-là. Et c'est pour ça que le prophète Sansel m'avait ordonné de détruire ces choses-là, justement. Donc, le cheikh, il dit donc, il n'est pas permis de se laisser aller dans l'exagération vis-à-vis des hommes pieux et des gens importants et de faire leurs images, hein, et des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il dit Fabihada sar al-hadith shahidan lit-tarjama. Il dit c'est ainsi que le hadith au sujet du nadr, du vœu qui a été fait pour la personne qui avait fait le vœu de faire un sacrifice d'un chameau à l'endroit qu'on appelle Bawana, eh bien, il a été utilisé comme argument dans ce chapitre pour expliquer le verdict de celui qui fait une adoration pour Allah dans un lieu dans lequel on adore autre que Allah. D'accord? Et le cheikh, il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, il dit « Babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah » yani, كان سابقا يذبح فيه لغير الله فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني سأل هل كان فيها يعني هل كان سابقا هل كان سابقا يعني يسأل عن تاريخها الماضي فهذا فيه شاهد للترجمة. Donc le cheikh il répète le fait que il y a dans le hadith un argument qui supporte ou qui crée un lien avec le titre du chapitre. Et c'est pour ça que l'auteur l'a mentionné dans ce chapitre, ce hadith. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ لَمْ يَرُدْ التَّخْصِيصُ بِالذَّبْحِ اي نعم وَإِنَّمَا ذَكَرَ الذَّبْحِ كَالْمِثَالِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ جَعْلُ مَحَلِّ اللَّاتِ بِالطَّائِفِ مَسْجِدًا والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا أو كما كان يعني يفعل فيه أولا فجعله مسجدا والحالة هذه يعني ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية يعني فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم وقوله فأوفي بنذرك ذلك لعدم المانع وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملك، إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. نعم. Donc il reste juste un petit point ensuite. Il dit وقوله رواه داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، يعني ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله. Ok, donc ici le sheikh il mentionne un point, le sheikh Abdurrahman ibn Hassan il mentionne un point, il dit et l'auteur il n'a pas mentionné dans le titre le fait que ce soit un sacrifice qui soit fait pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah. Il n'a pas mentionné ça de façon spécifique pour limiter ça seulement au fait d'égorger. Il a mentionné le fait d'égorger ou le sacrifice uniquement comme exemple, parce qu'en réalité ça s'applique à toutes les adorations sans exception. Et ensuite le cheikh il explique que certaines personnes ont trouvé un problème par rapport à ce sujet-là, à propos de ce qui a été fait par rapport à l'endroit où se trouvait une des idoles des mouchriquines de l'époque, qu'on appelle Masjid. En fait, aujourd'hui, c'est la mosquée de Taif. Et il y avait à cet endroit-là l'idole Al-Lat. Al-Lat, elle se trouvait. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Elle se trouvait à l'endroit où il y a aujourd'hui la mosquée de Taif. Et il a donné une réponse à ce sujet-là. Ça, c'est le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il pose cette question, puis après, il donne la réponse. Mais avant de traduire la réponse qu'il a donnée, je vais juste traduire qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit « Laysa sahihan. Lam yuj'al mahal al-lat fit ta'if masjidan. Hadhihi hikayatun batila. يقولون إن منارة مسجد العباس على محل اللات، من يثبت هذا؟ ما كان المسلمون ليبنوا مسجدا في محل الصنم أبدا، وهذا إنما هو حكاية ليس لها أصل. والذين يعرفون التاريخ يقولون محل اللات بعيد عن المسجد. Donc Cheikh Al-Fawzan, il répond à ça, premièrement, il dit « Ça, c'est pas quoi, c'est pas vrai. » Déjà en partant, c'est pas vrai. On n'a pas pris l'endroit où se trouvait l'idole de Al-Lat pour faire la mosquée de Taif. Il dit « Ça, c'est seulement des histoires fausses que les gens disent. » Certains racontent que l'endroit où le minaret de la mosquée, qu'on appelle Masjid Al-Abbas, c'était à cet endroit-là que se trouvait l'idole qu'on appelle Al-Lat. Et le cheikh il dit, et qui va affirmer cela? Le cheikh il dit, les musulmans n'auraient jamais bâti la mosquée dans un endroit dans lequel il y avait une idole. Il dit donc, ça c'est seulement des histoires que les gens racontent, et il n'y a aucun fondement, hein, aucun fondement authentique à cela. Donc, de dire que là où il y a la mosquée aujourd'hui, c'était l'endroit de l'idole, ça c'est incorrect. Et il dit que ceux qui connaissent l'histoire disent que l'idole, Al-Lat, était très loin du lieu de la mosquée aujourd'hui. Donc ça, c'est la réponse de Cheikh Al-Fawzan qui clarifie en fait ce sujet-là. Donc lui, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il avait répondu cela en disant que si on avait laissé cet endroit-là tel quel, on aurait craint que des cœurs faibles auraient été éprouvés parmi les ignorants et qu'ils seraient retournés à mettre une idole à cet endroit-là, comme c'était le cas auparavant. Donc ils en ont fait une mosquée pour que toute trace de ce qu'il y avait là avant soit oubliée et pour éliminer toute trace de shirk en entier. Donc c'est à cause de ça qu'on a choisi cet endroit-là en particulier. Et il dit « Wallahu a'lam ». Hein? Donc ça, c'est l'explication que le Cheikh a donnée à ce sujet-là, mais cette explication, finalement, elle n'est pas nécessaire, puisque l'histoire est fausse. Et le Cheikh, il dit « Al-jawab al-sahih an yuqal » Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-jawab al-sahih an yuqal ma thabata anna mahal masjid ibn Abbas » Donc la réponse correcte à dire à ce sujet-là, c'est plutôt de dire que il n'est pas confirmé authentiquement que l'endroit de la mosquée d'Ibn Abbas à Taif, c'était l'endroit où se trouvait l'idole Al-Lat. C'est ça la réponse correcte. Et en ce qui concerne la réponse du Cheikh, le Cheikh il dit « Hada bina'un » على أن الشيخ صدق الرواية هذه ولكنها غير صحيحة. Il dit ça, c'est la réponse qu'il a donnée, c'est basé sur yani le fait que le cheikh a cru en cette histoire, cette histoire qui a été rapportée à ce sujet-là. Il dit sauf qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas authentique. Naam. Ensuite, il dit Naam. Ensuite, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qui avait fait le vœu Awfi bi nadhrik, c'est-à-dire respecte le vœu que tu avais pris et exécute ton vœu. Parce qu'il n'y a rien qui vient pour l'empêcher. Et le cheikh Cheikh Al-Fawzan il dit Hada dalilun ala wujub al-wafa bin nadhr idha kana nadhr ta'a. لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع كالصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك لما في حديث عائشة الآتي في باب النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. Donc le cheikh il dit par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awfi bi nadhrik, ça c'est la preuve qu'il est obligatoire de respecter le vœu qu'on s'est engagé de respecter. Lorsque quelqu'un s'est imposé à lui-même une obligation quelconque pour Allah, alors à ce moment-là la personne elle doit le respecter et exécuter son vœu. Et ça, c'est bien entendu à condition que la chose en question soit permise et licite et que ce soit par rapport à quelque chose qui appartient à la personne. Et le cheikh, il donne comme exemple que si, par exemple, c'était des prières qu'il voulait faire, c'est pas grave. Donc, le cheikh, il explique si quelqu'un veut faire une salat ou veut faire un jeûne, hein, une prière surérogatoire ou bien un jeûne surérogatoire ou bien un sacrifice ou de faire un hajj ou une umrah et qu'il se l'est imposé à lui-même, wa alaykoum salam wa rahmatullah, alors à ce moment-là ça devient obligatoire pour lui de respecter ce vœu qu'il a pris. Donc c'est ça. Il dit ensuite, parce qu'on ne doit pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin du hadith, parce qu'on ne peut pas respecter un vœu dans ce qui est une désobéissance à Allah. Et ça, c'est la preuve que on ne peut pas prendre des lieux de shirk et de péché, dans lesquels on fait du shirk, ou les lieux dans lesquels on fait des péchés, comme lieu pour adorer Allah. Et le Cheikh Al-Fawzan dit, لِأَنَّهُ مَعْصِيَ لِلَّهِ وَلَوْ نَذَرَ إِنسَانٌ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَفَاءَ بِهِ. Donc si quelqu'un avait fait le vœu d'adorer Allah dans ces lieux-là, dans lesquels on fait du shirk ou des péchés, eh bien, il n'aurait pas été permis dans ce cas-là d'exécuter ce vœu-là. Il dit, ce vœu-là qui a été fait est un vœu de désobéissance. Alors il n'est pas permis de l'exécuter. Et il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ensuite qu'il ne peut pas non plus faire exécuter un vœu à propos de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et dans le sharh de Mishkat al-Masabih, il y a l'explication à ce sujet-là comme exemple. Il est dit, c'est-à-dire, si quelqu'un a fait un vœu à propos de quelque chose qui ne lui appartient pas. Comme par exemple, quelqu'un qui dit, si Allah guérit mon enfant qui est malade, eh bien, à ce moment-là, je prends comme vœu, je m'impose à moi-même pour Allah de libérer l'esclave d'un tel. De libérer l'esclave d'un tel. Ou quelque chose de semblable. Et donc, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que l'esclave en question ne t'appartient pas. Donc, tu ne peux pas le libérer. Il faut que ce soit ton esclave à toi pour que tu puisses le libérer. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « إِذَا نَظَرَ شَيْئًا لَيْسَ فِي مُلْكِهِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي مُلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزِمُهُ أو فَلَا يَلْزَمْهُ وَلَا يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ. » Donc, si quelqu'un a fait le vœu de faire un vœu à propos de quelque chose qui ne lui appartient pas, eh bien, donc, à ce moment-là, ce ne lui est pas imposé. Et ce vœu-là n'est pas valide. D'accord? Et il donne un autre exemple. Il dit, tandis que si la personne avait pris le vœu à propos de quelque chose qui ne lui appartient pas à ce moment-là, mais que c'est possible pour lui ou que ce serait possible pour lui de le posséder, alors à ce moment-là, c'est un autre exemple différent. C'est par exemple si quelqu'un dit, si Allah guérit mon enfant, alors je m'impose à moi-même de libérer un esclave pour Allah. Il dit, alors à ce moment-là, même s'il ne possède pas l'esclave à ce moment-là, et même s'il n'a pas la valeur de cet esclave, il ne possède pas non plus la valeur de cet esclave. Il dit, si son enfant, Allah l'a guéri, eh bien, à ce moment-là, ça devient obligatoire pour lui de respecter ce vœu. Et l'esclave, ici, c'est juste un exemple, mais ça peut être autre chose. Quelqu'un pourrait dire, je m'impose à moi-même, si Allah guérit mon enfant, ou si Allah me donne la réussite dans mon commerce, que je vais jeûner un mois, ou que je vais donner $1,000 en sadaqa. Alors, si ça se produit, alors c'est obligatoire pour lui, à ce moment-là, de respecter ce vœu-là qu'il a, qu'il s'est engagé de respecter. Naam. Est-ce que c'est conseillé ou déconseillé? À la base, c'est déconseillé de le faire. Parce que c'est quelque chose que une personne se met comme imposition à elle-même qui risque de lui rendre la religion difficile. Donc, à la base, c'est pas conseillé de le faire. Mais, une fois que tu l'as pris, ton vœu, et que tu l'as fait, ça devient une obligation de le respecter. Et donc, de le respecter, c'est ça ce qui est louable. De respecter l'engagement. Non pas de le prendre, l'engagement, mais de le respecter. Et il y a un chapitre à propos du nadr plus tard, et dans ce chapitre-là, les détails vont être expliqués. Donc, ensuite, Donc le cheikh il dit que le hadith en question, attends, in kana yastati'u at-tanfidh wa illa kana daynan fi dhimmatihi mata istata'a yani yunfadh. Donc il dit si la personne elle n'est pas capable d'exécuter le vœu au moment où le vœu c'est, où la chose qu'il a demandé s'est exaucée ou a été réalisée, eh bien ça reste comme une dette pour lui ou pour elle, pour cette personne. Et lorsqu'il aura la capacité, il va le faire, il va exécuter ce vœu. Et il dit donc fa farqun bayna nadhr al-mu'ayyan alladhi la yamlikuhu wa nadhri ghayr al-mu'ayyan alladhi la yamlikuhu waqt an-nadhr. Yani nadhr al-mu'ayyan hadha la yalzam, amma nadhru ghayr al-mu'ayyan fa huwa yalzam wa in kana la yamlikuhu waqt an-nadhr fa yakunu daynan fi dhimmatihi. Donc le cheikh il fait la différence ici, il explique qu'il y a une différence entre le fait de faire un vœu et de promettre quelque chose qui ne t'appartient pas au moment où tu fais le vœu, qui appartient à quelqu'un en particulier. Donc ça ce n'est pas imposable. Tandis que si c'est un vœu à propos de quelque chose qui n'est pas spécifique et que tu ne possèdes pas au moment du vœu, eh bien, à ce moment-là, ça devient une dette pour la personne. Et il termine le cheikh en disant que le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et que l'isnad, elle est selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Et il explique que l'imam Abu Daoud, son nom, c'est Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad al-Azdi al-Sajistani. Et ça, c'est son nom au complet. Donc, c'est Sulayman, fils de Al-Ash'ath, fils de Ishaq, fils de Bashir, fils de Shaddad, Al-Azdi, Al-Sijistani, parce qu'il vient de la région, hein, de la ville de Sijistan. Et c'était le compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal à l'époque. Il a été son élève, son étudiant et son compagnon. Et il a écrit de nombreux ouvrages, dont le Sunan, qui est célèbre, et aussi d'autres livres comme Al-Marasil et d'autres également. Et c'est un imam thiqa, hein, fiable, et un hafiz, mémorisateur de la sunna, parmi les grands ulama, et il est mort en l'an 275 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un grand imam parmi les imams des salafs, et un imam salafi, comme tous les imams qui ont rapporté les livres de hadith. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, tous ces imams-là sont des imams de la sunna, ce sont des imams salafis qui ont défendu la aqida des salafs et le manhaj des salafs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils n'ont jamais fait partie d'une bid'a ou d'un groupe de bid'a ou d'une secte ou de n'importe quelle autre tendance. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit ça. Imam Jalil, Abu Daoud, Mu'allif al-Sunan, wa huwa min talamith al-Imam Ahmad, wa min ruwat al-Madhhab al-Hanbali, wa lahu kitabun matbu'un ismuhu Masail Abi Daoud, ay al-Masail allati rawaha Abu Daoud an al-Imam Ahmad, wa hiya Masail su'ila anha al-Imam Ahmad, fa ajaba anha, wa katabaha Abu Daoud wa rawaha. Donc, il explique que l'imam Abu Daoud, c'est l'auteur des Sunan, ou bien l'auteur du Sunan, l'élève de l'imam Ahmad, et un des rapporteurs du madhab de l'imam Ahmad. Il a un livre qui est publié qui s'appelle « Les questions de Abu Daoud ». Et ce sont des questions qu'il a rapportées de sujets qui ont été questionnés, hein, ou des questions qui ont été posées à l'imam Ahmad, au sujet de certaines questions de la religion. Et l'imam Ahmad a répondu à ces questions-là, et l'imam Abu Daoud les a écrits et les a rapportées, hein, transmises. Donc, il est un des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et un qui a rapporté son madhab. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah.